Le chef de section Vorontsov de l'Institut de l'Orientalisme de l'Académie des sciences de Russie vient d'accorder une interview à l'agence de presse Interface, lors de laquelle il a affirmé que la Corée a prouvé sa capacité de refouler les forces d'agression étrangères par le tir d'essai de l'engin balistique de sous-marin stratégique en plongée. Il a souligné encore que la Corée fait l'impossible en faveur de la paix et de la sécurité de la région.